Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. Avec en ce programme du lundi, beaucoup de choses. Et puis dans les studios, Léna pour vous accompagner. Ça va? Oui, ça va. Oh, t'as l'air en forme. Toi aussi, t'as l'air en forme. Non mais c'est vrai, ça fait plaisir. Oui, bien sûr, le week-end a été bon et puis la semaine va commencer sur les chapeaux de roue. Avec ce sommaire, justement, on vous en parlait juste à présent. Sommaire très chargé, hein, puisque nous aurons énormément de rubriques. C'est vrai, ouais. On a bien de la chance. Et c'est toi qui sais, Léna. Ouais. Donc on va retrouver le sondage, la série radiophonique, la Summer Chronique, le journal de la rédaction, le sein du jour et le canular. Tout ça? Oui. Mais pour la première partie. Juste pour la première heure, c'est ça qui est fort. Et pour la deuxième, alors là, on vous dit rien, mais ça va être le festival. La musique. Le club VIP. Karl Wolf, le titre Africa. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum. Reprise à l'instant de Toto, Karl Wolf, c'était Africa évidemment, vous l'avez reconnu. Vous êtes dans le club VIP avec Léna, Jack, pour vous accompagner. La suite du programme, bah, ça va être d'ici quelques instants, le sondage du jour. Oui, le sondage du jour. Et on se demande bien, alors il a fait beau ce week-end quand même sur la magnifique côte de Granit Rose, faut le dire. Hein. Ouais. Faut le dénoncer quand il fait beau, faut en tout cas le souligner, ça c'est sûr. Et on a un petit sondage qui est un petit peu en circonstance, me semble-t-il. Oui. C'est là-dessus que t'as travaillé. Oui, voilà. On s'est dit que si ça se trouve le soleil allait revenir que mardi, donc on ne sait pas. Donc on va vous faire un petit point sur ce que vous faites quand il fait beau. Club VIP. La musique c'est DJ Crispy, ça on aime beaucoup, ça a été un choix coup de cœur de cet été. Evenly le titre. Dans l'été. Avec le club VIP, vous avez pu entendre DJ Crispy, le titre c'était Evenly. Et nous retrouvons Léna pour la suite du programme qui va vous parler du sondage. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est... Quand on est sur la plage. Et quand on a bien de la chance. Oui. Le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre expert. Alors, quelle est la première chose que vous faites en arrivant sur la plage? Tu fais quoi toi, Jack? Oh bah moi je me baigne. Moi je m'étale sur la serviette. Donc tu fais partie de la troisième position puisque tu vas tout de suite goûter l'eau, c'est ça? Ah oui c'est ça. Voilà, ouais. En deuxième position donc on sort son jeu de pétanque ou de raquette, c'est pas mal ça aussi, tu envoies les sportifs dans, dans la main. Et comme moi on s'étale sur la plage pour bronzer, ça c'est la première chose que tu fais. Ah ça c'est ce qu'ils font hein, c'est s'étaler sur la plage. Ouais. Ah d'accord. C'est pas mal. Et moi je fais partie des troisièmes, des plus courageux finalement. Voilà, c'est ceux qui ont envie déjà de sauter dans l'eau à peine arrivés sur la plage. Et en deux tu m'as dit? Ceux qui sont sportifs, la pétanque et les raquettes. Ah oui d'accord, ceux qui sont un petit peu musclés. Voilà, qui ont envie de montrer leur corps et de bronzer en même temps, c'est pas mal tu vois. Tu comptes le volet aussi dedans? Oui, tout. Ah tout ouais, sport. Tous les sports voilà. De plage, d'accord, ça c'est en deux, excellent. Merci en tout cas pour ce tour d'horizon du sondage. Et nous allons attaquer Shara Like a Boy, mais pas trop fort quand même. Like I'm fast, like a girl, you wanna act like it is. Security codes on everything, on my bracelet, your phone don't ever ring. And another one he don't know about. Wish we could switch up the roles. I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be at? Cause I'm out, four in the morning, on the corner rolling. That car when you with him like I'm hot. Keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles. And I could be that. Tell you I love you but when you call I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be at? Cause I'm out four in the morning. On the corner rolling doing my own thing. Had a thing on the side. If I act like you, won't come out up in your shoes. I'm messing with your head again. Dose of your medicine. What if I had a thing on the side? de Suza à l'instant. Exactement, pour vous accompagner. Et nous allons attaquer la suite avec Léna dans les studios qui est là pour vous accompagner dans le club VIP. Mm-hmm. T'as fait un petit peu le ménage dans ce club VIP là, c'est pas mal. C'est bien rangé quand même. Ça se présente bien. Ça va. Ah non mais c'est vrai, ça fait plaisir le lundi d'arriver dans un espace comme ça, dans un club VIP propre, les auditeurs l'entendent. Mais dis pas que je suis la femme de ménage. Ah non, pas du tout, oh là là, je n'y ai pas participé. Bon, j'avoue que la décoration, à la radio c'est vrai que vous ne le voyez pas les auditeurs, mais on a investi dans des plantes, hein, il faut le dire, pour la respiration, pour le souffle. Oui, l'après-midi Léna va dans les boutiques acheter des plantes. Pour la zen attitude, comme on l'appelle ici à la radio. Voilà. Et nous allons faire un autre point, c'est sur la série radiophonique. Est-ce que tu peux en parler rapidement aux auditeurs? Je sais que certains ne connaissent pas malheureusement et souhaitent connaître. D'accord. Alors, c'est Brian, un acteur d'Hollywood qui a perdu la mémoire. On ne sait pas trop comment en fait, hein. Ça se dévoile au fur et à mesure. Sa femme est suspecte, donc pauvre Pamela. Qui s'appelle Pamela donc. Voilà, mais moi je soutiens Pamela. Ouais. Parce que voilà, et au fur et à mesure, il découvre, il retrouve la mémoire et c'est assez sympa. Bon, on écoute l'épisode 15. C'est parti. Qui dans la voix off vous annonce l'épisode 14. C'est un défaut de fabrication. C'est vrai. Il en fout toujours. Et vous allez avoir un petit résumé comme ça de l'histoire. Dans les épisodes précédents, Brian est sorti de l'amnésie. En allant chez son producteur, il se remémore une partie de son accident. C'est sa femme qui lui aurait tiré dessus. Voici l'épisode 14 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé « Menace cachée ». Résidence Forever, 9h58. Bonjour Docteur Lover. Bonjour Brian. Belle journée pour les oiseaux. Et belle journée pour les amnésiques. Au fait, où est ma femme? Avec son professeur de sport. Son amant. Oui. Pour en revenir à votre entretien de la veille, que s'est-il passé? Que j'allais de nouveau faire du cinéma. Vous devez être content! Je suis content et en même temps heureux. C'est un sentiment diffus que je ne peux exprimer par les mots. Mais qui se lit dans les yeux? Malgré tout, j'ai appris l'impensable. Ah bon? Des souvenirs de ma mémoire ont jailli chez ce producteur. Des souvenirs de quelle nature? Sombres. J'ai revu dans ma tête l'incident entre moi et Pamela. Quel incident? Je devais produire mon film à l'ouest de l'amour, mais Pamela, consciente des risques financiers, a préféré tenter de m'ôter la vie. Je suis quand même un peu déçu par elle. Au petit déjeuner, elle a fait tomber sa biscotte dans son café. J'ai vu qu'elle n'était pas dans son assiette. Malgré ces images que je revois, je trouve étonnant qu'une femme avec une coupe de cheveux aussi droite puisse me faire un coup tordu. Comment ça? Mon cerveau me joue peut-être un mauvais tour. Peut-être que Pamela n'est pas aussi noire que son café. Peut-être. Que vas-tu lui dire? Rien sur mes visions. Juste que je compte tourner le film à l'ouest de l'amour. Hé, papa! T'as lu la presse? Calme-toi, Jérémix. Le prof de sport de maman a été retrouvé pendu par 3 mètres de fond, attaché à une ancre de marine, avec 2 balles dans la tête. Il est mort? Froid comme un glaçon, papa. C'est bizarre, tous ces accidents autour de Pamela. Ça confirme bien que toute cette histoire floue est loin d'être nette. Donc c'était l'épisode 15, d'ici moins d'une heure, vous aurez l'épisode 16. Estival, Estival, puissance Millennium. On monte à la puissance Millennium avec Nao Monde, All Nighter. Say your lover got a neon name shining here all night. All night. Don't believe God's kids. I don't know how and say how. town. Feel its embrace when you hold the light. This I might fall in love quick and then forget about it. My city never sleeps, your heart beats in its streets. I wanna dance till I'm in a trance. I ain't got too much time, let's make this moment fine. Let's make it like you. All Nighter, Now Monde sur l'antenne. Tous les samedis, Estival FM fait bouger ta soirée et t'offre un direct avec la discothèque Le Wellness. Tu vas entrer progressivement dans un autre univers. Le VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Et voici que Now Monde, All Nighter, c'était bien, mais voici que le club VIP, c'est encore mieux. C'est avec Léna dans les studios. Café, oui, boum boum, là. Au moins 15 boum boum aujourd'hui depuis tout à l'heure. C'est vrai. Enfin, si on les cumule tous, 48. Ouais, comme les huîtres. Ouais, bah, c'est forcé. Il y a Thomas également qui est là dans les studios. Attention. Bonjour, cher auditeur, j'espère que ça va. Bah ouais, bah, ça va impeccable maintenant qu'ils t'ont entendu. Et comme ça, ils peuvent se réjouir parce que d'ici moins d'une heure, vous aurez le droit à la chronique sportive. Ouais. Celle qu'on attend. Et puis, il y a des musiques de circonstance parce qu'on sait qu'il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive pas loin. Mm-hmm. Et il s'en est sorti plein de singles pour soutenir l'équipe du 15 de France. Et bien sûr, on va vous faire écouter tout ça hein, pour voir ce que ça donne. La France a gagné au rugby. Ah oui ? T'as regardé ? Bah oui, attends. La musique, c'est P. Diddy featuring Kesha Cole. Il y a également, dans la suite du programme, une summer chronique. Oui. Laquelle est-ce ? Ah, le retour gagnant. Alors, on va voir quelqu'un retourner sur le devant de la scène. Get on the floor, make it bump more, shake it, mommy. Put up your hands for me, that's how you dance for me. Shake it like you can, honey. Last night, I couldn't even get an answer. I'm sitting here with this blank expression. In the way I feel, I wanna curl up like a child. I know you can hear me. I know you can feel me. I can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. Progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum. L'autre univers, c'est le club VIP, c'est Léna, c'est Jack également dans les studios, c'est Thomas pour la chronique sportive qui arrive bientôt sur l'antenne. C'est toute cette bonne ambiance estivale qu'on vous propulse à travers les oreilles puisque c'est un peu ça la radio. Et la suite, c'est le retour gagnant. Oui, alors qui c'est qu'on va sortir du placard aujourd'hui? Ah ouais, bah, je vais te proposer plusieurs artistes, puisqu'on peut dire que c'est la summer chronique du jour, donc t'as le droit à plusieurs artistes. D'accord. D'accord. Et tu vas me dire lequel tu voudras entendre la bio, parce que t'as un doute sur sa bio, etc. D'accord. Oh, voilà. D'accord, t'es prête ? Oui, vas-y. Alors, t'as Bob Sinclair. Mm-hmm. D'accord. T'as Texat. Ah oh, oui, et avec t'as... Robbie Williams. Ouais. Ah, oh, je veux bien celui-là. Tu veux Texat ? C'est mon chanteur préféré, ouais. D'accord. Robbie Williams. Bah, ils sont revenus. Oui, c'est vrai ? Pour un retour qui était presque pas gagnant, parce que tu n'en as plus entendu parler. Bah non, parce qu'il a fait une carrière solo après. Ouais, mais Texat, le groupe est revenu cette ouais. année. Tu le savais ? Oui, si, j'avais entendu Echo, bon mais je savais pas qu'il avait... Je parie que t'as jamais entendu le morceau. Non, par contre, non. Mais je l'ai entendu. Là. C'est vrai. J'ai le tout dernier c'est Texat. Trop bien. C'est un retour gagnant, gagnant entre guillemets. Après une longue absence, vos artistes favoris reviennent en retour gagnant. Retour gagnant. Retour gagnant consacré au groupe Texat. L'aventure commence en 1990 quand le producteur Martin Smith décide de réunir 5 garçons façon Chippendale boutonneux. Le départ est un peu laborieux pour ne pas dire pire. Texat galère pendant 2 ans à sillonner les salles des fêtes désertes et autres kermesses miteuses. Heureusement, grâce à un look de fashion victime, Texat se fait remarquer avec It's Only Take a Minute. Et l'aventure continuera jusqu'en 1996, un an après que Robbie Williams ait décidé de quitter le groupe. Car oui, Robbie Williams était un Texat. Nobody Else sera le titre ultime de cette grande carrière. Even then, I knew this love would be forever. I knew. C'est quand même émouvant, un bon vieux tube boys band. Et il faudra attendre 2007 pour que ressurgissent de la nuit nos jeunes anglais, un peu moins boutonneux et toujours sans Robbie Williams, ils ont vraiment dû se fâcher. Et c'est l'album Beautiful World qui relance nos chanteurs british vers un retour gagnant, voici le titre Shine. You, you're such a big star to me, you're everything I wanna be, but you're stuck in a hole, and I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out, out, out. All your anticipation pulls you down, when you can have it all, you can have it all. Change. So clear your head and come round. You only have to open your eyes. You might just get a big surprise. Texat, le tout dernier. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon. 0622 69 18 19. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et l'été, toujours là, toujours présent, hein, jusqu'au 21 septembre. C'est oui, ça la tradition. C'est ça. Y'a un souci? Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre au petit déjeuner pour être bien en forme? Bah, pas un jus d'orange qui a déjà 3 jours. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu me regardais faire bon, des gros yeux. Non. Mais je crois qu'il a pas 3 jours, hein, il a 5 jours. Ah, ouais, non, alors non, non, non. Faut il éviter... a du club Macumba en fait de la. Ah, oui, d'accord. Ouais. Donc, il bouge le jus d'orange voilà, tellement il est en forme. D'accord, ok. Donc, ça, c'est un petit conseil aux auditeurs. Oui. Ne prenez pas de jus d'orange d'il y a 5 jours, surtout quand ils sont restés à température ambiante. C'est pas la peine. La suite, bah, c'est avec Léna, et puis on sait qu'on va retrouver quelque chose d'important dans le journal. Dans le journal. Bah, je tu l'as dit. Dit. Qu'est-ce qu'on retrouve les dans news, l'émission? Les news insolites et programme cas par mort. Ah, moi je croyais que dans le journal on retrouvait l'émission. Non, on retrouve pas l'émission ou pas. Bah, non, mais en fait c'est l'inverse. Dans l'émission on retrouve le journal. Mais l'un dans l'autre ça ne marche pas. On est lundi, stop. Mais la musique ne stoppe pas avec Carl Kennedy, Ride the Storm et le journal derrière. Le club VIP t'offre un max de fruits de mer. Sapristi, c'est vrai? Un peu que c'est vrai, champion. 48 hey, titres à gagner entre 10h30 et 12h30. 4 douzaines, c'est sûr que ça va faire des heureux. Ouais, c'est trop bien, j'ai gagné 48 titres. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et là où on est fou sur l'antenne, c'est que des fois on vous en fait gagner 96. C'est vrai, ouais. Il y a des moments où tu craques. 48 fois voilà. 2. 48 pas au carré, parce que là ça serait énorme. Non, on va être sérieux, raisonnable, on va vous faire gagner place de cinéma offerte par nos partenaires les baladins Apéros Grecs, Guingamp et Lannion. Oui. Faut préciser quand même, vous pouvez aller dans toutes ces salles de cinéma grâce à Estival et en écoutant la radio. Et puis également de la bourriche d'huître et de la très bonne. Alors, pour ceux qui aiment bien les huîtres laiteuses, en ce moment, ça commence à devenir la saison. C'est vrai, ouais. Elles sont moins bonnes là, alors. Mais c'est pas forcément moins bon, c'est laiteux. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, tu vois. Ouais. Bah ouais. C'est kiff-kiff moitié-moitié. Ah bah je t'ai donné envie comme ça. Là, ouais, là je te regarde, je regarde ta court. Tête. Alors là, wow. Tu ne bois pas du... Comment, du lait d'huître ça, non, je bois du lait ribot si tu veux, mais pas du lait d'huître. Nous allons attaquer, c'est une plaisanterie bien sûr, parce qu'il y a trois quarts des huîtres non laiteuses et juste un quart en ce moment. Nous allons attaquer tout de suite avec le journal de la rédaction. Tu connais la rédaction ? Bonjour la rédaction. Salut la rédaction. Et nous allons attaquer avec ces news insolites. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Allez, toujours dans ce journal d'Estival un petit peu déjanté. Symbole de la culture populaire américaine, le Big Mac fête ses 40 ans. Je tenais à le préciser. Bonne fête. Bonne fête. Et attention, il décapite un piton avec ses dents. Oh. Ça reste, oh, bon appétit, bien ça sûr. Ça reste très culinaire, tout ça. Le Big Mac, le double sandwich, icône de la culture populaire américaine, mais aussi symbole de la malbouffe à 40 ans. Oh. Et il en a fait des heureux, et aussi des moins heureux. Si les frères McDonald's ont créé dans les années 40 en Californie le premier restaurant de la plus grande enseigne mondiale de fast-food, le double hamburger a été inventé par un des premiers franchisés. Donc c'est pas McDonald's qui a inventé le McDonald's, le Big Mac. Mm-hmm. Jim Deligatti, 89 ans, qui tenait un restaurant à Uniontown en Pennsylvanie Est, a pour la première fois introduit l'empilement de deux steaks hachés entre trois pains au sésame et deux rondelles de cornichons au prix à l'époque de 45 cents. Ce qui fait moins d'un demi-euro quand même. Et voici donc cette news, un anniversaire. Et ensuite, il décapite un piton avec ses dents. Un homme en Irlande du Nord, on savait pas qu'il y avait des pitons en Irlande du Nord, mais a décapité d'un coup de dents le serpent de sa petite amie, un piton royal, lors d'une dispute ayant mal tourné. Attends, il avait une couronne ou quoi, le gars ? Parce que franchement, pour aller arracher la tête d'un piton, faut le faire, quoi. C'était un maçon, il s'appelle Shane Cook. Il a été inculpé quand même pour avoir SPA agressé sa petite amie. D'accord. Et d'actes de torture ayant entraîné la mort du reptile le 4 août. C'est excellent. Ouais, selon ses avocats, donc il lui aurait asséné deux coups de tête. Il a pris le serpent, l'a mis dans sa bouche et a jeté la tête coupée sur elle. Seigneur. Il a ajouté quand même, ton serpent avait bon goût, lui aurait-il dit. C'est un enragé. Oui, ça se voit. Que se passe-t-il au niveau des activités estivales Cap Armor ? Alors, lundi, donc cet après-midi, Acrobranche, de 14h à 17h30. Il y a du dodgeball avec multijeux de 14h à 16h et c'est à Trestriniel. Pour la soirée, c'est tournoi de foot. Donc, moins de 14 ans, 5 contre 5, c'est de 17h à 20h. Et tournoi de foot, pour les plus de 14, on trouvera la Bananarama, je pense. Peut-être. Donc, de 20h à 23h et tout ça, c'est à Kerabram. Pour demain mardi, vous avez skatepark de 15h à 19h, donc ça c'est à Central Park. Vous avez découverte équitation de 14h à 15h. Vous avez crêpes et galettes. Ah oui, ouais, c'est excellent, ça, je vais y aller. Pas se voir, ouais. Ouais, de 14h30 à 16h30, vous avez tournoi de tennis ballon 2 contre 2 de 15h à 17h et c'est à Trestraou. Pour la soirée, c'est du badminton, donc les moins de 14, c'est de 18h30 à 20h le tournoi et c'est à Kerabram. Et pour les plus de 14, c'est de 20h à 23h. Pour destination bien-être, aujourd'hui c'est environnement. Demain mardi c'est le tabac, pas pour moi. Ah ouais, non, fini. Ouais. Moi j'ai arrêté de fumer. Ah ouais, ah. Moi je vais y aller alors. Mais je crois que j'ai jamais commencé en fait. Oui, peut-être c'est ça, bien. Le problème. Faut jamais commencer. Ah d'accord, c'est je comme suis ça plutôt qu'on bien parti alors. Voilà, faut d'accord. Jamais y toucher. La suite de la musique, je vous propose justement, comme on est dans l'esprit sportif, là, je vous propose tout simplement d'écouter un son supporter, les fameux singles qui sont créés à l'occasion de cette Coupe du Monde de rugby. Ouais. Ça s'appelle EO. Oh, Et ça, c'était... Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et oh, le supporter. Bah oui, parce que c'est la Coupe du Monde de rugby, le 15 de France. Et donc, on a reçu quand même plein de singles à l'effigie de cette équipe de France, donc pour les soutenir. Et vous en entendrez un autre qui s'appelle... Attendez, je cherche le titre. Oliver Bat, allez le 15. C'est beaucoup plus simple. Mais on va pas vous le passer tout de suite, ça va faire un peu redondant dans l'émission. Je vais interroger Léna, puisque Léna sait à peu près tout ce qui se passe dans le programme. Et elle va vous révéler la suite. Oui, Léna. Oui, on va retrouver le saint du jour. Ah bon? Oui. Il s'était perdu alors? Oui. Ok. On le retrouve juste après un titre. C'est si peut-être comme ça qu'il vaut mieux qu'on procède. Dans l'ordre, on va monter Puissance Millennium. Je vous propose encore une nouveauté aujourd'hui. Yves Larocque. Le titre, c'est Rise Up. Estival, Estival. Puissance Millennium. Contactez la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Club VIP. Larocque, Yves, Rise Up sur l'antenne. Levez-vous. C'est ça, Rise Up en quelque sorte. Ouais. Bon bah on va se lever, on va tous se lever pour justement accueillir Léna dans les studios qui va nous parler saint du jour. Oui, prénom à l'honneur. Prénom à souhaiter. Exactement. Alors, attention Léna, rise up pour toi. Je te mets ton petit jingle. Vas-y. T'es prêt? J'ai cru comprendre que c'était un prénom compliqué en plus. Saint du jour, un saint à l'honneur. Aujourd'hui, bonne fête à Monique. Bonne fête, ah, Monique. D'accord, j'étais sur le prénom de la veille, moi, ou de l'avant-veille. Non, c'est le prénom de jeudi. Ah, je d'accord. Je t'ai dit qu'il était assez marrant et qu'on allait s'amuser pour le canular. Bon, bah, bonne fête, Monique. Voilà, donc Monique, vous êtes très sensible à toute perturbation et toute tendance conflictuelle. Malgré cela, vous êtes à l'écoute de chacun, votre charme et votre jeunesse d'esprit vous attirent sympathie et succès. La chance se tient souvent à vos côtés, vous savez ce qui est bon pour vous, c'est pour cela que vous êtes toujours en quête d'harmonie et de bien-être. Ah ouais, et tout ça ? Bah oui, tout ça. A de la chance, Monique. Bah ouais, elle en a du bol. La suite, bah on va faire un canular, il me semble, c'est un peu comme ça la tradition. Ouais, c'est oui. Une tradition, c'est oui. Tradisquesse. Et il est également de bon ton de passer un Christophe Maé. Merci. C'est pour les auditeurs, hein, c'est... parce qu'on sait qu'ils l'aiment bien. Bah oui. Tant de plaisirs faciles, d'envies puériles qui nous retiennent vers le bas. Ah, prêt à n'importe quel deal, quand il faut mourir, on se met à tout croire. Parce qu'on sait jamais, on regarde vers le haut. S'il y a un après, au moins sauver sa peau. Parce qu'on sait jamais. On est capable du pire, d'aimer à culpa, de toutes les mauvaises fois. Qui pourrait encore dire qui est Saint Thomas quand son heure arrivera? Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. On regarde vers le haut. Christophe Maé, parce qu'on ne sait jamais. Club VIP. Le club continue. La suite, bah, d'ici quelques instants, c'est le canular du jour. Pas vrai, Léna ? Oui. Ah, c'est le canular ? Oui, c'est le canular avec faire, Monique. Tu veux le faire à ma place ? Non, ça ira. Pourquoi ? Je suis bien. Mais je fais toutes les autres rubriques, c'est la tienne, celle-là. Ah oui, d'accord. Alors, genre, le rétromédia, c'est pas moi. Genre... DVD test, c'est pas moi, genre je dis pas les news, c'est ça ? Non, tu me fais... Je quitte le studio. Mec. Mécontent. Non. Mais non, reste. Tous les auditeurs t'adorent, ils vont regretter le fait que tu sois parti, puis ils vont en vouloir à Léna après. Donc faut que tu restes. Hein. Je reviens. J'ai décidé de revenir dans l'émission. Voilà, c'était une déclaration auditeurs. De Jack. La musique With Cliff Jean, tu connais ? Oui. C'est son tout dernier, Sweetest Girl. Et il y a un featuring, alors tu voudrais savoir le nom du featuring. Tu le connais en plus, c'est Akon. Oh wow. She whined for the bill, grind for the bill. She used to be the sweet girl. Some still feel the bill, if they gotta pay the bill. She used to be the sweet girl. Tonight's why Clef ain't con, Wizzy on the bill. school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Just to get a pick again, she's a 10. High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Just to get a pick again, she's a 10. Never thought that she would come and work for the president. Just to George Washington. Where my money at? She balls. He calls. Where my money she at? Had a good day, bad day, sunny day, rainy day. All you wanna know is where my money at? Close leg, don't get fit. Go out there and make my bread. All you wanna know is where my money at? She ended up in a roll car, bruised up, scarred heart. All you wanna know is where my money at? She falls, yeah. He calls. Where my money I'ma at? Tell you like you told me. Cash rules everything around me. Send your dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. I'ma tell you like who told me. Cash rules everything around me. Send your dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Or something they don't wanna be a part of. Rather be up in the club shaking for a dub. Get triple times the money and spending it like they wanna. They got their mind on their money, money on their mind. They got their finger on the trigger, hand on the nine. See every day they feel a struggle, but stand on their grind. And ain't nobody take it from us, and that's the bottom line. But I know when there's a drop in the block, it moves slow. You're getting pressure from cops, you don't know. I'm not to lay low, cause 25 to life's no joke. To all my real gorillas thug, corners every day struggling. All the beautiful women's getting money, washing them dollar bills like laundry. See, I'ma tell you like who told me. Cash rules everything around me. Sing your dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Cause I'ma tell you like who told me. Cash rules everything around me. Drive the world crazy. We she used to be. And she used to be the sweetest girl. She used to be the sweetest girl ever, ever. Now she likes sour amaretto. She wears a dress to the T like the letter. And if you make it rain, she will be under the weather. She used to run track back in high school. Now she tricks on the track right by school. She takes the loss cause she don't wanna see her child lose. So respect her, I'll pay up for the time used. And then she runs to the pastor, and he tells her there will be a new chapter. But she feels no different after. And then she asks him, where my money at? I'ma tell you like who told me. Cash rules everything around me. Sing a dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. I'ma tell you like who told me. Cash rules everything around me. Sing a dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Some live for the bill, some kill for the bill. Yeah. Where my money at? She whine for the bill, grind for the bill. Whoa. Where my money at? From steal to the bill, if they gotta pay the bill. Yeah. Where my tonight, money why Clef ain't gone, Wizzy on the bill. Whoa. Where my money at? Aiken à l'instant, mais c'était surtout Wiz Clef Jean sur l'antenne. Ça cartonne ça. Club VIP. Le Club VIP, c'est la suite, ça continue. Là, je suis au téléphone. N'est-ce pas, Léna? Oui, oui, je recherche quelque chose. Ah, d'accord, dans ta tête. Je suis en pleine réflexion. Mais je vois ça et moi, je suis au téléphone, tu vois. Ouais, voilà, on prépare les canulars quand chacun ses petits trucs. Hein. Bon, on appelle au hasard là, on va voir si ça décroche. Ça décroche. On appelle une Monique spécialisée dans le jambon. Je vous dis pas qui c'est. Si vous connaissez un petit peu. On les retrouve dans un supermarché, c'est ça? Un bah, bon service. Par contre, il faudra un micro pour que les auditeurs entendent. Alors. I've been waiting. Surtout qu'il est l'heure, il est l'heure de se faire un petit encart. Oui. Bonjour. Bonjour Monique. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est bien ça. Je vous appelle au sujet d'un renseignement. Oui. Vous faites bien tout ce qui est tranche de jambon? Voilà, oui, oui, tout à fait. Voilà, découpe en gros? Là, je peux pas. C'était pourquoi exactement? Eh bien, parce que je m'appelle Christophe Vincent. Oui. Je suis en fait de passage sur la côte. Oui. Et bon, en fait, je dois organiser mon anniversaire. Oui. Donc, où il y aura des chanteurs prestigieux. Oui. Et je souhaitais en fait avoir le meilleur jambon, le plus typique, hein, si vous voulez, en quelque sorte. Ah, on ne vend pas des particuliers. Oui, mais ça sera vraiment, c'est pour du gros, hein, je vous le dis. C'est pour un gros anniversaire, c'est pas, vous voyez, c'est pas 20 personnes, c'est pas votre anniversaire, c'est l'anniversaire de Christophe Vincent, si vous voulez. D'accord. Bah écoutez, je vais vous passer la télévente, ne quittez pas. Voilà, en plus ça peut faire un coup de marketing pub. Ne quittez pas, merci. Je quitte pas. Alors attends. J'étais désagréable ou pas? Non, un peu quand même. Non, en produits, ils ont du jambon cuit, du jambon de volaille, non, lardons et poitrine. J'étais un peu désagréable quand même. Non, ça va. Ah bon? Aide culinaire aussi. Je lui ai quand même dit, c'est pas votre anniversaire, c'est quand même l'anniversaire de Christophe Vincent. Ne quittez pas, merci. Oui, oui. Il y a une jolie musique à chaque fois. Tu sais comment ils appellent les petits paquets, les petits sachets de 150 grammes? C'est les aides culinaires. Aides culinaires. Oui, mais ça, c'est les petits paquets que tu trouves dans les supermarchés de 150 grammes. Ah, c'est pour faire les crêpes. Des jambons et tout ça, tu sais, c'est les dés... Allô ? Oui, allô ? Oui. Bonjour, Christophe Vincent. Donc, j'organise d'ici peu une grosse soirée. Mm-hmm. Et j'aurais besoin, en fait, d'un maximum de produits locaux. Mm-hmm. Et dont du jambon. Oui, je ne fais pas du tout de vente au détail, monsieur. D'accord. Je ne fais que pour de l'industriel, de la barre de jambon. Tout à fait. Je ne fais... J'ai besoin d'aide culinaire en grosse quantité parce qu'on va faire des crêpes, en fait, des galettes. Mmh. Et on va en faire plus de, écoutez bien le chiffre, oui. 7000. Oui, mais je veux bien vous croire, 7000, même si je vous mettais un sachet de dés de jambon par personne, ça ferait jamais qu'une tonne 5 chez moi sur mes 35 000 tonnes à l'année. Non, je fais rien du tout, je n'ai pas du tout de commercialité. Oui, mais voilà, en fait, moi, mon souci, c'est que je trouve personne. C'est 7 000 sur... Vous allez en grande surface et vous négociez avec un point de vente. Attendez, 7 000. Vous vous rendez compte combien ça fait de jambon? Et ça, c'est sur qu'une seule journée. La fête dure 7 jours. Oui, mais... Ça veut dire 49 000. Oui, non, mais on a l'habitude de ce genre de... Mais... Et en tonnes, je vous raconte pas. Enfin, vous m'avez parlé de tonnes, ça, c'est des chiffres qui me parlent. Oui, mais... Attendez, vous êtes même 49 000 tranches de jambon, même 3 tranches de jambon par personne, on est bien d'accord? Donc, oui, à peu près, oui, c'est ça, tout à fait. Oui. 150 000 tranches de jambon à la limite. À la limite, oui. Grammes, ça fait... Oui, mais moi, je veux vous vendre des barres de jambon à la limite, mais... Ah, vous pouvez carrément me vendre une barre? Je peux à la limite te voir ce que je peux faire sur une barre de jambon, mais dans quelles conditions vous allez les stocker, les trancher et autres? Ah bah moi, j'ai loué des entrepôts, évidemment, pour mon anniversaire. Mais moi, mes barres font 22 kilos. 22 kilos. Ouais, c'est une petite barre correcte, ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter la quantité. J'ai mon maître cuisinier qui s'appelle Hubert de la Saint-Jeance, que vous connaissez sans doute, qui est un spécialiste dans le domaine des fêtes. Donc je lui en parle. 22 kilos, vous pouvez me garantir. Et combien de barres? Non, mais attendez, je fais pas de détails, donc. Bah, je sais bien, oui, limite, c'est pour ça. Je peux vous faire un semi, hein, à la limite. Bien même 2-3. Non, mais ça, pour vous, ça représente énormément, mais pour nous, en tant qu'industriels... Vous me dites 22 kilos, c'est pas beaucoup. Vous savez ce que c'est qu'une barre de 22 kilos. Vous avez des trancheurs, ça passe pas sur un trancheur mécanique. Hein. Ah non, mais j'ai un bio spécial, si vous voulez. Mmh. Voilà. Bon, j'en parle. 22 kilos, j'en parle à mon maître Hubert de la Saint-Jeance. Faites-moi une demande par fax et puis je répondrai à votre fax, monsieur. D'accord, okay. Très bien. Vous avez le Minitel aussi également? Pardon? Le Minitel. Non, plus de Minitel. Je vais donner mon adresse email. Je vais vous en faxer en fait la demande et du coup je vais en parler à mon maître cuisinier chef. D'accord. Je vous remercie en tout cas toutes ces informations relatives à la distribution en gros. Merci. C'est pas mal, hein. Tu crois que j'arriverai à faire mon anniversaire? Non, mais surtout que c'était des barrettes de jambon, c'est pas mal. Moi, je me rends pas compte. 22 kilos, non mais t'imagines? Bah non. 22 kilos vous voyez bien que je m'en rendais pas compte. De jambon, quoi. C'est beaucoup? Mais c'est énorme. 250 grammes par personne. C'est énorme. Ça fait 10? Oh. Ah, c'est énorme, d'accord. Ok, d'accord, ça fait 100 tranches, c'est tout, c'est pas tant que ça. Hein. La suite de la musique, c'est avec Justin Timberlake, Love Stone... Et nous avons donc appelé une Monique, spécialiste dans le jambon. Love Stone pour la musique, la suite ce sera avec Léna. She's freaky, I like it. Listen. She grabs the yellow bottle, she likes the way it hits her lips. She gets to the bottom, it sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. She shuts the room down. The way she walks and causes a fuss. The baddest in town. She's flawless like some uncut eyes. Well, I hope she's going home with me tonight. Oh, and all she wants is to dance. That's why you'll find her on the floor. But you don't have a chance unless you move the way that she likes. That's why she's going home with me tonight. Oh, hey, those flashing lights come from everywhere. The way they hit, I have to stop and stare. She's got me love stone, and I swear she's bad and she knows. Those flashing lights seem to cause a glare. Cause a glare. The way they hit, I have to stop and stare. Yeah. Stop and stay, yeah. She's got me love stone from everywhere. She's bad and she knows. I think that she knows. Now dance. Get it, girl. Freaky, but I like it. Et bah c'était Justin Timberlake avec le titre Love Stone. Club VIP. Ça c'est de la bonne musique hein. Oui oui oui. Nous sommes en compagnie de Léna qui prépare activement sa chronique. Oui. C'était pas mal Daoul. Oui bah Winter oui. Winter of the Love Parade. Si on pouvait avoir ce, ce dance machine, machine. Ah bah ouais. Tu le prépares pour aujourd'hui, demain en fait. Aujourd'hui. Non demain. Les auditeurs veulent. Non. Comment ça s'appelle? Daoul, Daoul, Daoul, Daoul, Daoul. Eh, hey, t'entends les auditeurs? Non, et ben ça sera demain. Ils sont tous à fond pour Daoul. Et ben c'est pas grave. Mais tu m'as donné envie de l'écouter là. Et ben tu attendras demain. Ah non, non, si les auditeurs ont pas leur Daoul aujourd'hui, moi je sais pas, Meter of the Love Parade, tu te rends compte? Le titre que t'as donné trop envie d'écouter aux gens. Juste trois notes. En tout cas, on va retrouver la météo là sur l'antenne.

Le Club VIP, la suite, c'était à l'instant de la bonne musique, vous l'avez reconnu, Sean Kingston. Le titre, si je le prononce bien, c'est Beautiful Girls. Vous pouvez gagner d'ici quelques instants place de cinéma, bourriche d'huîtres au 0622 69 18 19. Faudra donner les bonnes réponses aux bonnes questions qu'on vous posera. Et ça, ça se passe sur la radio. Et ça se passe comme ça. Pas vrai, Léna? Oui, oui. Oui, oui. Le fameux oui, bien oui, Léna. Bien évidemment, si tu veux. D'accord. La suite, bah, comme je l'ai dit, donc c'est des places de cinéma à gagner. Il y aura également un petit point sur le rappel des news. Oui, oui, oui. Et tu prépares activement le Dance Machine du jour. Oui, mais j'arrive. C'est fait... quoi cette nouveauté? Non, c'est une pub en fait. Que ah, d'accord. Pour se brosser les dents. Oui, bah pourquoi pas. Voilà. Tu veux se brosser les dents combien de fois par jour normalement pour être après clean? Chaque repas normalement. Donc 3 fois grosso modo. À peu près. À peu près, grosso à peu près. Je vous ai parlé également de succès interplanétaires qui vont faire les beaux jours des stades de France et des stades de rugby. Mm-hmm. Puisque nous sommes bientôt en phase d'attaquer avec le championnat du monde de rugby qui se mm-hmm. passe où? Je te le donne en mille. Il se passe où alors? Bah je te le demande. Bah, je te le demande aussi. Eh ben, il se passe en France, me semble-t-il. Bien. Donc, il y a pas mal de chants de supporters qui vont s'élever de droite et de gauche. Mm-hmm. En voici un. Il s'appelle Oliver Bat. C'est Allez le 15. On vous l'a dit, aujourd'hui lundi, on vous fait découvrir toutes ces perles musicales. Ça, c'est des musiques comme on n'en fait plus, hein. Le gratin sur les gradins. Il y a un petit côté musclé. Tu trouves? Ah oui. Ouais, son cerveau. Avec des paroles simplistes. Facile à retenir. Voilà. Et toujours l'accent, tu vois, l'accent un peu du sud, quand même. Mmh. Parce que quand même, c'est quand même des endroits où on aime bien vivre, c'est truculent. Sans les prolongations. Je t'entends pas chanter, Léna. Bon allez, trêve de plaisanterie. Didier Sinclair, Oliver Bat, donc c'était à l'instant Allez le 15. Didier Sinclair, c'est Feel the Wave. Excellente écoute sur le 107.4 Estival, également sur internet www.station-millium.com. You can't. Club VIP. Ça se passe bien dans le club, on s'amuse bien, il y a une bonne ambiance, c'est festif. C'est un lundi matin, c'est pour ça. Et voire même lundi soir, tu sais, il y en a certains qui nous écoutent le soir. C'est un lundi. Voilà, parce qu'il est, pour certains, il est... J'aime bien le faire comme ça, mais il est quand même pour certains, hein, oui. J'essaye, il est certain qu'il est certain, 22h28, voilà. Et pour d'autres, il est plutôt 12h12, tout simplement. Ouais, on va pas se compliquer la tête. Ça fait un peu lundi. Quatrième dimension, hein, ouais, quand t'annonces toutes ces dates, comme ça, toutes ces heures. Et encore, on est bien lundi, ça c'est clair. La suite du programme, d'ici quelques instants, vous allez retrouver Léna qui va partir dans les années 90, vous voyez, parce que là on est en train de parler d'heures différentes dans une même journée. 80 cette fois-ci. On part dans les années 80. Fin 80, début 90. Ah ouais, c'est carrément la fin de toute cette période. Non, le début de toute cette période. D'accord. Non, la fin c'est 2000. Non mais je te parlais de la fin de toute cette période pop rock des années 80. Ah oui. Et le début des années 90 avec cette culture dance. Mmh. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas chercher tripette à troupote. Club VIP, l'émission la plus privée de la FM. Yann Solonné, Fashion the Sea. Sympa ça, Salonné, Solonné, Yanné Solonné, Fashing the Sea. Et justement, ça a un côté très dense qu'on aime bien sur l'antenne. Y'a Léna dans les studios qui est prêt à attaquer sa rubrique, sa chronique, que dis-je, starissime, puisque c'est le fameux Dance Machine. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu sors là d'un coup dans le studio comme ça? Ouais. C'est... Ah d'accord, ok. Sortais ta carte. Oui. Ta carte bancaire. Parce non. que tu... Si, si. Non, ma tout carte simplement de... pour activer le jukebox et pour passer ton titre. Attends, je le passe. Voilà. Nickel. C'est bon. C'est attends, passé. Je le mets en stop. Vas-y. Et tu vas nous en parler. Très rapidement, c'est le Dance Machine. Voir prends ton temps, voir fais comme tu le sens. C'est un retour en arrière grâce à Léna. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Nous allons parler de Black Box. Donc c'est un groupe de dance italien de la fin des années 80 et du début des années 90. Donc il a été formé par Daniel Davoli, Valerio Semplici et Mirko Limoni. Donc les trois comparses avaient fondé auparavant Groove Melody, un autre groupe de dance. Uh-huh. Donc ils recrutent Catherine Quignol, chanteuse et top model pour les vocaux. Mais en réalité, c'est Martha Wash et Loleata qui chanteront sur tous les tubes du groupe. Ah, ça veut dire que la top model n'avait pas la voix qu'il fallait ? Non. Ah bon, comme quoi ? On peut pas tout avoir, le physique et la voix. Ah bon ? Bah ah, je oui. croyais, moi. Ok, bah c'est pas mal toutes ces informations sur Ride on Time. Et c'est vrai que c'était un procédé qui se faisait beaucoup. Maintenant, peut-être un peu moins, les chanteuses assument. Oui, assument. Bah leur physique. Oui, leur rondeur. Bon, elles maigrissent quand même, hein, parce que quand tu vois certaines chanteuses, elles ont quand même perdu 20 kilos. Hein. Et bah là, ne vous attendez pas à voir une mannequin chanter. C'est comment t'as dit le nom ? Black Box. D'accord, mais le nom de la vraie chanteuse ? Catherine Quignol. Quignol ? Ouais, bon, c'était pas un nom prédestiné au mannequinat déjà. Oh, Black Box Right on Time. C'est bon ça. Ride on Time, le titre exact hein, pour les fans de d'Eurodance, Black Box. Et je sais qu'il y en a qui ont bougé là. Je vous ai vu là derrière vos postes de radio, vous étiez à fond la caisse. Club VIP. Mais dans la caisse, il faut quand même respecter les vitesses de limitation. Là, il faut le dire. Hein. Faut être à fond la caisse dans sa tête, mais c'est tout. La suite, Léna. Oui, Léna, elle va te donner la suite. Va bien, Léna. Ouh, Léna, c'est le Téméscope. Ah oui, puis c'est... Bah oui, mais ah non, oui, avant il y avait quelque chose. Avant il y a quelque chose. Il y a quoi, le Sun Game? Oui, aussi, bientôt. Il y a quoi? Ah, le rappel du journal. Ah voilà. Ouais. Non, parce que les titres et les news étaient marrantes, alors je me suis dit pour une fois, on va faire un gros rappel. Les insolites du jour. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, dans les titres, vous avez par exemple, au hasard comme ça, il décapite un python avec ses dents. Eh oui, ça s'est arrivé dans le monde, te rends compte? Mais il n'y a pas que ça. Il y a également, symbole de la culture populaire américaine, le Big Mac fête ses 40 ans, je développe. Le Big Mac, le double sandwich, icône de la culture populaire américaine, mais aussi symbole de la malbouffe, a 40 ans. Si les frères McDonald's sont créés dans les années 40 en Californie, le premier restaurant de la plus grande enseigne mondiale de fast-food, le double hamburger a été inventé par un des premiers franchisés en août 67. Donc il y a pile 40 ans, il s'appelle Jim Delligatti, 89 ans, il tenait un restaurant à Uniontown en Pennsylvanie et pour la première fois il a introduit l'empilement de deux steaks hachés entre trois pains de sésame et deux rondelles de cornichons au prix de 45 cents. Vu le succès, un an plus tard, le Big Mac était intégré au menu national de la chaîne, a indiqué McDonald's. Donc je sais pas ce qu'ils comptent faire d'ailleurs pour leur anniversaire. De nos jours, McDo, qui compte 30 000 enseignes dans le monde, vend plus de 550 millions de Big Mac chaque année, c'est énorme. Et le prix en dollars d'un Big Mac en Chine est de 1,45. Voilà, toutes les informations. Bon, c'était symbolique, sachant quand même qu'on rappelle que c'est pas très bon de manger que ça, il faut diversifier et manger non, un petit peu de tout. Non, mais tu sais que tu peux mourir en mangeant que ça. Oui, il y en a un qui a fait un film, il mangeait que ça, il avait ses taux de diverses choses, cholestérol, etc., qui étaient arrivés au rouge et qui plafonnaient en même pas un mois. Irlande du Nord, il décapite un python avec ses dents, encore une autre spécialité culinaire. Un homme en Irlande du Nord a décapité un python, le serpent de sa petite amie, Python Royal, lors d'une dispute ayant mal tourné, a-t-on appris lundi de sources judiciaires. Shane Cook, un maçon de 33 ans, était inculpé par un tribunal de Belfast qui l'accuse d'avoir agressé sa petite amie Colleen McLennan et d'actes de torture ayant entraîné la mort du reptile le 4 août. Selon ses avocats, les avocats de Mademoiselle Clinoun, Cook lui a asséné deux coups de tête, a pris le serpent, l'a mis dans sa bouche et a jeté la tête coupée sur elle. Et il a dit « Ton serpent avait bon goût !» Bah voilà, ça se passe comme ça, une dispute en Irlande du Nord. Le programme estival Cap Armor, c'est avec Léna. Oui. Alors, Cap Armor, cet après-midi, donc vous avez de l'acrobranche de 14h à 17h30. Vous avez du dodgeball, donc multijeu, de 14h à 16h et c'est à Trestrignel. Pour la soirée, c'est du foot, donc le tournoi des moins de 14 ans est de 17h à 20h et le tournoi des plus de 14 de 20h à 23h et c'est à Kerabram. Pour mardi après-midi, vous avez skatepark, donc près du matériel au Central Park de 15h à 19h. Vous avez découverte équitation de 14h à 15h. Vous avez cuisine crêpes et galettes de 14h30 à 16h30. Miam miam. Et tournoi de tennis ballon 2 contre 2 à Trestraou de 15h à 17h. Pour la soirée, c'est du badminton, donc le tournoi des moins de 14 est de 18h30 à 20h à Kerabram. Et le tournoi des plus de 14 est de 20h à 23h. Donc pour Destination Bien-être, aujourd'hui c'est l'environnement et c'est à Trestraou. Et demain c'est le tabac, pas pour moi, et c'est à Trestraou aussi. Tout ça ? Tout ça. C'est énorme. Mais oui. C'est gigantesque, c'est dantesque. E-Tech, Let's Dance, cette reprise de David Bowie qu'on aime beaucoup sur l'antenne. Tech, let's dance sur l'antenne. C'était bon ça. Club, club, club, club, club, club VIP, l'émission la plus privée de la FM. Club VIP. Mais pas si privé que ça. C'est le club VIP, donc on vous accueille avec plaisir sur l'antenne, avec le sourire en plus. Je vois ça et vous ne le voyez pas, mais si vous allez sur le site internet www.station-millium.com, vous verrez un des plus beaux sourires de la FM, le mien. Oui, c'est ce que je pensais, le mien n'était pas aussi beau que le tien de toute façon. Mais je pensais surtout au tien, parce que c'est vrai qu'il éclaire les oreilles de nos auditeurs. Oui, mais si bon, tu le dis. Mais trop de compliments, tu le compliments. Alors j'ai tout de suite pensé à mon sourire au citron, citronné, c'est important de le préciser. La suite du programme, eh bien, je crois bien, ici dans les studios, que nous avons retrouvé le télescope. Oui. Ouais. Ouais, si tu veux. Je retrouve ma voix, j'arrive. Ah oui, parce que elle a beau avoir un sourire là, des fois le fond de voix n'est pas toujours clair. Non mais là ça va très bien. Non, vas-y. Allez, on est prêt ? Ouais, on parle de l'île de la tentation. C'est vrai ? Ouais. Bah, c'est pour ça que t'étais un peu tendu. C'est naturel. Il s'en est passé des choses. Ça va la bouleverser au moment de la prépa. Quoi ? Le télescope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Alors, aux dernières nouvelles. Attention. Ce que j'ai lu ce week-end. Donc Johanna et Lindsay sont partis ensemble, donc de Lille. Le problème c'est quand ils sont revenus à Paris, bah je sais pas, la grisaille parisienne, le train-train parisien, du moins les a séparés puisque Lindsay est partie avec Julia, c'est ce que je t'ai dit, la tentatrice ah oui, qui a tenter Anthony, le copain de Lise. D'accord. Oh, en plus, j'ai appris des trucs sur Anthony et Lise. Attends, encore j'ai plein de trucs. Donc, Johanna est partie avec Geoffrey. Donc, voilà, c'est, ça, c'était normal. C'est véridique. Donc, voilou, voilou. Qu'est-ce qu'il y a aussi que j'ai appris ? Ah oui, non, il y a, je t'ai dit, Lise et Anthony, en fait, ce sont des ex. Donc, je t'explique. Si tu veux, la prod de TF1 les a trouvés, en fait, dans une boîte de nuit près de chez eux. Ils les ont kidnappés. Voilà, non, ils leur ont demandé s'ils voulaient faire un casting pour l'île de la tentation. Donc, ils ont dit oui. Et en fait, c'était pas un vrai couple puisqu'ils étaient séparés. Ils étaient déjà séparés. D'accord. Donc, voilà. Et ils ont quand même fait l'île de la tentation. Mais c'était normal qu'ils n'allaient pas repartir ensemble puisque ils n'étaient pas forcément. Ils n'étaient déjà pas venus vraiment ensemble. Voilà. C'était genre, on fait style qu'on est copain, copine. Et alors, pas du tout, du tout. Et il y a une interview aussi de Julia qui dit que TF1 n'a pas diffusé sa dispute avec Anthony. Mais que fait TF1 ? Mais que fait TF1 ? Je ne sais pas. Voilà. Bon bah c'est pas mal tout ça. Ouais, il y en a plein de petits trucs sympas. J'ai aussi l'arroseur arrosé, donc ça c'est Benjamin. Bah toujours. Qui n'accepte pas que sa compagne Fiona soit partie. Ah, bah oui, attends. C'est un macho, donc forcément. C'est tout ? Mm-hmm. C'est quand même pas mal. Ouais, il y a plein de trucs. The Choral, Who's Gonna Find Me ? Six in the morning. Bon, bonne musique à l'instant les auditeurs, vous avez été gâtés, c'était The Choral, Who's Gonna Find Me sur l'antenne. On aime bien ce genre de titre. Et pour attaquer sportivement, je dirais, Nous accueillons aujourd'hui dans le plateau et de façon bien sympathique Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Jack. Bonjour Léna aussi. Juste derrière Jack. Oui, tout à fait. Alors, que se passe-t-il ? Que s'est-il passé au niveau sportif ? Je sais qu'il y a une actualité chargée. Effectivement, Jack, on commence par le football ? Bah écoute, allons-y, football, ouais, c'est tout de suite. Alors, c'était la cinquième journée de Ligue 1 ce week-end. Donc, les résultats, donc il y a Marseille qui s'est imposé à Caen 2 buts à 1. Il y a Monaco qui a battu Le Mans 3 buts à 1. Ah, Nancy ouais. qui a battu Auxerre 4 buts à 1. Match nul entre Lorient et Bordeaux, 2 buts partout. Strasbourg qui bat Lens 2 buts à 1. Valenciennes qui s'est imposé 3 buts à 1 contre Sochaux. Rennes qui s'impose à domicile 2 buts à 0 contre Metz. Léna était dans le stade ? Est-ce que Léna était dans le stade ? J'ai regardé juste. Oui, vas-y. Mais non, j'ai regardé les émissions de foot hier. Ah oui, elle a regardé toute la rétrospective footballistique. C'est une acharnée du foot. Bon, c'est très bien. Donc ils ont gagné ? Effectivement, ils ont gagné 2-0. Il va y avoir une ambiance dans la ville. Tout à fait. Léna était d'ailleurs sur place, on va dire. ensuite, match nul entre Nice et Toulouse, un but partout. Match nul également entre Paris et Lille, un but partout. Et victoire de Lyon contre Saint-Etienne, 1-0. Ah, enfin ! Ouais, enfin. Victoire de Lyon ! Ouais. Ah, faut le dire, hein, c'est pas les favoris. Ouais, disons qu'ils sont mal partis. Là, ils se reprennent un petit peu. Ouais. Attention, exactement. Je vais vendre mes actions. Moi. Donc au classement, ça donne Nancy premier avec 13 points. Ensuite, Lorient deuxième avec 11 points. Monaco qui est troisième avec 10 points. Et ensuite, on retrouve Rennes qui est huitième avec 8 points. Lyon qui est dixième avec 6 points. Marseille 11e avec 6 points. Le PSG qui est 14e avec 4 points. Et ensuite, dans le bas du classement, Lens qui est 18e avec 2 points, Sochaux 19e avec 2 points aussi, et Metz, Lanterne Rouge avec 1 point. Il en faut un. Effectivement. En athlétisme, c'est les mondiaux d'Osaka en ce moment. Ah, ça, j'aime beaucoup l'athlétisme, ouais. Donc il y a Anis Barber, malheureusement, qui a été éliminée dès les qualifications en saut en longueur. Donc elle avait fait le pari de se réserver uniquement au saut en longueur. Et donc de renoncer à l'heptathlon, donc Paris pas très payant, on va dire. En revanche, sur le 100 mètres, Tyson Gay a lui remporté son pari, puisqu'il a remporté la course devant Atkins, le Bahaméen, et Azava Powell, le grand favori, qui termine finalement 3ème. En Formule 1, victoire de Felipe Massa au Grand Prix de Turquie devant Raikkonen et Alonso. Hamilton qui a terminé 5ème, puisque finalement il a eu une crevaison en fin de course, donc c'est dommage. Ah mince, ouais. C'est les choses qui arrivent. Donc au classement pilote, Hamilton est premier avec 84 points, Alonso deuxième avec 79 points, Massa qui est troisième avec 69 points, et quatrième Raikkonen avec 68 points. Voilà, et pour le rugby, comme en parlait Léna tout à l'heure, le 15 de France a gagné 34-7 contre le Pays de Galles. Ça c'est magnifique. Effectivement, ça mérite une petite chanson. Oui, enfin. Ok, donc la France est plutôt bien partie. Hein. Effectivement. Et Jack, pour terminer, il y a le tennis. D'accord. Il y a l'US Open de. Le plus gros tournoi aux États-Unis. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. On peut le dire. Disons que c'est un grand chelem et ça dure jusqu'au 9 septembre. Voilà, pendant tout à deux fait. Semaines, vous allez pouvoir vivre. Eh bien, les exploits des Français, on l'espère, du moins. Toi, tu prévois qui, Jack ? Je pense que ça va être un Français qui va gagner. Je vois bien Gasquet gagner. Gasquet, ouais. Ouais. Donc voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Y a pas de quoi. The Cardigan, My Favorite Games pour la musique. On attaque la fin de cette émission avec le jeu, le fameux Sun Game. Une question vous sera posée et ça sera Léna qui s'y collera et puis ça sera notre saga radiophonique. VIP. À l'instant, c'était The Cardigan, My Favorite Games. Vous êtes bien amusés? C'est le nom du titre, hein, mon jeu favori. Mais super ce... Ah oui, c'est un beau titre, ouais, c'est Cardigan, j'aime beaucoup ce, moi ce groupe. Aussi, et nous allons attaquer avec la saga radiophonique numéro 16. Oui, oui, oui. Bah oui, qu'est-ce qui va se passer? Ah, surprise, je suis même pas au courant de ce qui va se passer. Bah non, moi non plus. T'imagines? En tant que producteur, j'ai pas tout suivi, c'était le week-end, quelqu'un d'autre l'a fait à notre place, on a fait travailler une équipe. Je vous cache pas, on a fait travailler la manœuvre moins chère, ouais, effectivement. L'équipe du week-end donc a travaillé sur la réalisation de l'épisode 16. Juste un petit résumé, à chaque fois je te demande ce petit exercice, Léna, mais c'est important pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette saga. Alors, Brian est un ancien acteur d'Hollywood. Une star. Voilà, il est devenu amnésique et c'est sa femme qui est dans le coup, en fait. Ah ouais? Et ouais, elle veut récupérer son argent. Kiss Kiss Forever, épisode 16. Une question derrière pour gagner des huîtres. Dans les épisodes précédents, Brian a perdu sa mémoire, mais un producteur lui rappelle qu'il allait coproduire un film dans lequel il tenait la vedette. Sa femme tente d'empêcher le projet pour garder l'argent de son mari. Voici l'épisode 16 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé « Moteur, ça tourne ». Résidence Forever, 12h03. Bonjour Brian. Bonjour Pamela, tu as soif? Un sirop de grenadine avec 3 glaçons, tu seras aimable. D'accord. Je vais refaire du cinéma, Pam. De la télé? Non, du 7ème art, en grand écran. C'est ton producteur Donald Crockwood. Hollywood me tend la main, Pam. Il te tend la main gauche, et de la droite, il essaye de te piquer ton porte-monnaie. Il faut bien investir pour récolter les dividendes. Ça fait des années que tu n'as pas joué. Tu risques de ne plus savoir. Moi, je pense que tu as peur, pour notre maison et pour nos actions. Et je te suspecte d'avoir enclenché le frein à main qui ralentit ma carrière. Tu as des preuves? Ne nous chamaillons pas. Mes souvenirs qui te concernent, je vais les enfermer dans une consigne de gare. Et la clé, je la balancerai dans l'océan de l'oubli. Faisons table rase du passé. Finito. Hollywood Fun, studio de cinéma, 15h03. C'est Donald, producteur d'Hollywood Fun. Je suis très prise, Donald. Je sais que tu es l'actrice la plus en vue d'Hollywood. Et pas seulement grâce à ma chute de rein. Ton talent est indéniable, Cameron. J'ai besoin de toi pour mon prochain film. Lequel? À l'ouest de l'amour. Qui serait mon partenaire? Un partenaire particulier. C'est-à-dire? Brian Forever, l'acteur qui revient du coma. Il est encore en vie. Amoché mais bien vivant. Et te rends-tu compte du coup de pub? Je dois parler à mon agent. Ne tarde pas trop. Tu es peut-être une étoile à Hollywood, mais si tu laisses passer ce rôle, tu risques de devenir une étoile filante vers l'oubli. Donc ça se passe bien pour Brian. On sent bien que Pamela n'est plus très à l'aise et craint pour la fortune des Forever, puisque l'investissement dans un film serait fatal, très probablement. Vous avez bien écouté cette saga radiophonique? T'as bien suivi? T'as pas suivi? Si, si. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a une question juste derrière pour vous faire gagner donc des huîtres, pour vous faire gagner également des places de cinéma et vous faire gagner tout ça par SMS. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de jouer? Tu as le droit de jouer. D'accord. Le SMS, tu as le droit de le dire également. C'est le 0622 69 18 19. Donc le 0622 69 18 19. Moi je le prépare. Ah ça y est, tu es prêt à... Mais si ça se trouve, tu vas pas avoir la bonne réponse. C'est pas grave. C'est une question relative à l'épisode. Tu Vas-y. As bien suivi l'épisode. Tu as été attentive. J'ai arrêté toutes mes chroniques. Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Alors attention. Question. Dans cet épisode, Brian sert un verre à Pamela. C'est un sirop de menthe. C'est un sirop de citron. C'est un sirop de grenadine. Vous avez la bonne réponse. Alors A, vous pensez que c'est de la menthe. B, vous pensez que c'est du citron. C, vous pensez que c'est de la grenadine. Vous avez la bonne réponse. Envoyez un texto 0622 69 18 19. C'est dans l'épisode. Oui, si vous avez bien écouté, vous avez la bonne réponse. Vous avez le cinéma à portée de la main et les fameuses huîtres. 0622 69 18 19. Si vous pensez que Brian a servi un verre petit A de menthe, petit B de citron, petit C de grenadine, lâchez-vous sur le texto. Ça peut vous permettre de gagner tout simplement gros là, dans la radio. Ça fait plaisir. T'as la bonne réponse, tu penses? Ouais, je te l'ai envoyé. C'est vrai. Bon, on va voir. Dépêchez-vous, hein, c'est les premiers textos qui arrivent qui gagnent. Donc, si jamais on a reçu d'autres textos d'ici là, eh ben, vous gagnerez un peu moins et un peu moins. Et un peu moins, ça fait rien du tout au bout d'un moment. Mm-hmm. Donc, on vous fait confiance, vous envoyez. Je redonne peut-être le numéro SMS. Voilà, tout à fait. Le 0622 69 18 19. En direct, tu l'as fait toute ta vie, ça, cette annonce de numéro de téléphone. C'est incroyable. Mm-hmm. On peut quand même dire que l'émission touche à sa fin. Oui. On salue tous les auditeurs. C'était le club VIP. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous, en tout cas. VIP. Au revoir, Léna. Bye bye.